Déa ouvrit les paupières. Tout à coup, on entendit ses exclamations. « Que Déa est belle !» C'était la voix de Gwynplaine, mais dans la bouche d'Ursus. Il descendit l'escalier, derrière de la Grunebox, et avisant dans la cour le boy que toute cette aventure faisait oisif et curieux. Ursus lui chuchota à l'oreille. « Boy, installe-toi dans la cour. Saute, danse, cogne, gueule, braille, siffle, roucoule, hennie, applaudis, trépigne, éclate de rire, casse quelque chose. » Maître Nicless, humilié et dépité de voir les gens venus pour l'homme qui rit, rebroussait chemin et refluait vers notre baraque du champ de foire, avait fermé la porte de Lynn. Alors, Ursus devint extraordinaire. Ce ne fut plus un homme, ce fut une foule. Forcé de faire la plénitude avec le vide, il appela à son secours une ventriloquie prodigieuse. Déa écoutait. Le boy, ravi d'être utile au désordre, se démenait presque autant qu'Ursus. À son vacarme, Ursus mêlait des paroles. La représentation de chaos vaincu eut lieu presque comme à l'ordinaire, moins les effets de lumière bleue et les féeries d'éclairage. Au moment voulu, Déa fit son apparition et, de sa voix tremblante et divine, évoqua Gwynplaine. Elle étendit le bras, cherchant cette tête. Ursus se rua sur une perruque, l'ébouriffa, s'encoiffa et avança doucement, en retenant son souffle, sa tête ainsi hérissée sous la main de Déa. Puis, appelant à lui tout son art et copiant la voix de Gwynplaine, il chanta, avec un ineffable amour, la réponse du monstre à l'appel de l'esprit. L'imitation fut parfaite. Mais, peu après, alors que Déa était restée au fond du théâtre, debout sous la lanterne du plafond, elle était pâle, d'une pâleur d'ombre. Elle reprit, avec un ineffable sourire désespéré, « Je sais, il nous a quittés. Il est parti. Je savais bien qu'il avait des ailes. » Et, levant vers l'infini ses yeux blancs, elle ajouta, « À quand, moi ?» Ursus demeura interdit. Il n'avait pas fait illusion.